OK. Verset 6, s'il vous plaît. Je vais le lire pour que ça l'enregistre. Je m'étonne que vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile de Christ. Mais si vous n'êtes, mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème, nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un évangile s'écartant de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce la chair? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Ici, Paul, il dit que lui, il est resté fidèle à l'Évangile, puis qu'il va y rester fidèle à l'Évangile, parce que l'infidélité à l'Évangile égale l'infidélité à Dieu. On n'est jamais infidèle à l'Évangile dans le sens de théorie. Quand on n'est pas fidèle à l'Évangile, on n'est pas fidèle à Dieu. C'est pour ça que Paul dit au verset 6, « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui » Il ne dit pas de l'Évangile, il dit de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre Évangile. Donc, l'infidélité à une église, ce n'est pas grave. L'infidélité à un pasteur, ce n'est pas grave. L'infidélité à n'importe quoi d'autre, ce n'est pas grave. Mais l'infidélité à Dieu, c'est la perdition. C'est la perdition. Et Paul, il dit, si vous rejetez l'Évangile, c'est Dieu que vous rejetez. Parce que l'Évangile que j'ai annoncé, c'est l'Évangile de Dieu. C'est lui qui vous a appelé, non pas moi. Et si vous rejetez cet Évangile qui vous a appelé, par lequel il vous a appelé, vous rejetez son appel indirectement, vous rejetez Dieu qui vous a appelé. Donc, je rejette l'Évangile, je rejette celui qui a mis l'Évangile, qui était Jésus-Christ, qui était envoyé par Dieu. Donc, Si tu rejettes celui que je t'ai envoyé, tu rejettes celui qui m'a envoyé. Donc, il y a une chaîne là, qui se fait. Là. Rejeter, changer d'église, changer de mouvement, changer de tout ça, c'est pas grave. Pas grave. Changer l'Évangile, ce n'est pas acceptable. Il n'y a pas de demi-mesure. C'est l'Évangile ou c'est pas l'Évangile. Et la tendance, c'est qu'on essaie d'altérer, de changer, hein, de changer. Ils vous ont troublé, ils veulent altérer. D'autres ont d'autres traductions, pervertir l'Évangile. D'autres vont dire changer l'Évangile. Donc, ils ne veulent pas l'enlever. Ils disent pas, ne croyez pas ce que Paul a dit, c'est tout faux ce qu'il a dit. Mais il va juste changer quelque chose, juste une petite affaire. Et Paul a dit, si vous faites ça, vous êtes perdu. Vous êtes juste passé de côté de l'aube à la barrière. Ici, d'être infidèle à une structure d'église, comment ça fonctionne dans une église, c'est pas grave. On peut faire nos réunions samedi, dimanche, avoir un pasteur, pas avoir de pasteur, payer, pas payer, toutes sortes d'affaires, on prend du vin, on prend du pain, on prend du jus de raisin, on prend du pain sans levain, ça, c'est pas grave. Mais rejeter l'Évangile, c'est notre histoire. Et Paul, il dit, si vous ne gardez pas l'Évangile, tel que je vous l'ai annoncé, tel que vous l'avez reçu, vous êtes infidèle à Dieu. Et si vous êtes infidèle à Dieu, c'est juste bad. Vous êtes perdu. L'Évangile tel qu'il est annoncé, est-ce que c'est la repentance et la foi? C'est tout ça. Je dis ça parce que j'ai lu un livre sur catholicisme versus chrétienté. Je pense qu'il ne faut pas des pentecôtistes parce que en tout cas, j'espérais pouvoir donner ce livre-là à quelqu'un. Mais là, quand j'ai vu, il ne parle pas du tout de repentance. Là, je me dis, est-ce que c'est un faux évangile qui est annoncé? Je crois que l'évangile, règle générale, présentement, c'est ma perception, dans l'Amérique du Nord, qui comprend le Canada et les États-Unis, c'est un évangile, ce que j'appelle, moi, anthropocentrique, centré sur l'homme, au lieu d'être théocentrique, d'être centré sur Dieu. L'Évangile dans le Nouveau Testament a pour fin Dieu, la gloire de Dieu. L'Évangile qu'on proclame présentement a pour fin le bien-être de l'être humain. La vie éternelle. Le ciel, la guérison, le bien-être que ça va sur la terre. Dieu va répondre à nos besoins. Dieu va nous protéger. Dieu va nous garder. C'est l'être humain qui est le centre. Dieu a fait ça pour l'homme, pour le bien-être de l'homme. Quand Dieu a fait ça pour la gloire de Dieu, c'est bien différent. Donc, la Bible ne parle pas tout à fait de même. Vous écoutez l'heure de la bonne nouvelle, je ne sais pas si vous l'écoutez, moi je ne l'écoute pas, mais si vous l'écoutez, c'est pas parce que je veux, je dis que c'est pas bon, mais je fais d'autres choses à place de faire ça. Et vous remarquerez, voici, prêche vraiment la repentance dans les 8 leçons qu'ils vont donner. Vraiment la repentance, est-ce qu'il l'enseigne? Je ne dis pas que tu es obligé d'enseigner ça à chaque fois que tu prêches. Mais quelqu'un qui va se convertir avec les 8 enseignements qu'il va donner, va-t-il s'être converti vraiment? Ouais. Ok. Ben non, s'il va juste avoir accepté Jésus dans sa vie. Oui. Ok. C'est dans le sens là, que dans ce qu'est-ce il va-tu vraiment amener la personne à se détourner de lui-même, se tourner vers Dieu pour le servir, ou s'il va dire rejette Jésus dans ta vie, tu vas aller au ciel. Ouais. Non, c'est un petit peu différent là, je dirais, personnellement. Donc l'Évangile ici comprend beaucoup plus que ce que nous. L'Évangile pour moi c'est le Nouveau Testament. C'est pas je crois, je me repens. C'est beaucoup plus que ça. C'est croire aussi en Jésus comme Dieu incarné. C'est croire Jésus né d'une vierge. C'est croire Jésus ressuscité. C'est croire Jésus qui revient un jour. C'est tout ça l'Évangile. Paul s'adresse à l'épître aux Romains. Puis il dit, je veux aller vers l'Église de Rome, l'Église chrétienne. Puis il dit, je veux aller vers vous pour vous annoncer l'Évangile. Donc il était sauvé tout ce monde-là. Mais voilà, l'Évangile, c'était, pour lui, c'était jamais juste les 4 lois spirituelles que nous, on a résumé ça. Là. Okay. Petite boîte. Si tu fais ça, fais cette petite prière-là, tu vas être sauvé. Si, peut-être qu'on a réduit ça à pas grand-chose. Fais cette petite prière-là, tu vas être sauvé. Le gars fait une petite prière, mon gars, puis il s'aperçoit qu'il est dans le même champ de patates le lendemain, puis il ne sait pas ce qui se passe. Fais attention avec ça. Faut pas. On veut tellement que les gens se convertissent, des fois qu'on va minimiser, on va réduire l'Évangile pour qu'ils l'acceptent. Au lieu de prendre notre temps et bâtir sur ce que la personne comprend, il en mettre un petit peu plus à chaque fois qu'on le rencontre, qu'on le voit. S'il est appelé de Dieu, on ne le perdra pas. Faites-vous-en pas. Et nous, on a tellement peur qu'ils disent non le lendemain matin qu'on veut tout lui donner la même journée pour qu'il se convertisse tout de suite. Mais c'est peut-être pas la bonne méthode de faire. Et donc, je crois qu'on devrait prendre plus notre temps pour qu'ils comprennent bien l'Évangile et qu'ils se convertissent. Et ensuite, ça, les baptiser un petit peu plus vite. Nous, on les fait faire les professions de foi bien vite, puis on attend 10 ans pour les baptiser. Mais on va voir, je donne 10 ans, il va à l'église puis se baptiser maintenant. Fait que, oh, je sais pas. Où est-ce qu'on y est rendu? Moi, je me dis, comment est-ce qu'une église peut fonctionner comme ça avec le temps? Comment une église peut-elle fonctionner comme ça? Il y a quelqu'un dans son sein qui se dit que le sein, ça fait 10 ans qu'il est là, il n'est pas baptisé, puis on peut mettre le blanc sur n'importe quoi, mais il n'est pas baptisé. Donc, c'est pourquoi que c'est comme ça dans nos églises? Pourquoi qu'on y est rendu là? On a-tu changé les choses? On s'est-tu éloigné un petit peu? Comment est-ce qu'on a fait ça pour arriver là? Parce qu'on ne voit pas ça dans la Bible nulle part. C'est la première chose que j'ai dit à Adam. Es-tu capable de trouver dans la Bible, à quelque part, un chrétien qui se serait converti et qui aura 10 ans après, il ne sera pas encore baptisé? Bon, sinon, je n'ai pas vu ça dans la Bible nulle part. Je me pose la question, pourquoi, toi? J'ai dit, honnêtement, j'ai beaucoup de misère à amener quelqu'un à se baptiser quand il se fait 10 ans qu'il dit qu'il est chrétien. J'ai beaucoup de misère parce que je ne comprends pas pourquoi tu ne l'as pas fait. Je ne comprends pas pourquoi tu ne l'as pas fait. Puis je ne comprends pas maintenant pourquoi tu veux le faire parce que tu es chrétien depuis 10 ans, tu fonctionnes. Tu étais sauvé. Que ça donne maintenant à faire ça, là? Pour le à quoi ça sert? Qu'est-ce qu'il a répondu? Je sais pas, là. Il m'a donné des raisons. Qui me demande à me demander. En tout cas, j'ai hâte d'arriver au ciel. Puis si je peux demander au Seigneur, donne et t'es sauvé quand? Il m'a bien demandé au Seigneur. Mais je me l'ai demandé pour moi aussi. Parce qu'on a tellement ratissé ça. Les 4 lois spirituelles, pour nous dire, accepte le Seigneur avec cette petite prière-là, tu vas être sauvé. Et c'est beaucoup plus grand que ça pour moi, l'Évangile. C'est pour ça que je souhaite. C'est pas important ce que tu as dit oui. Dis toujours oui quand le Seigneur t'enseigne. Dis toujours oui. Dis toujours oui. Le Seigneur te montre quelque chose. Oui, Seigneur. C'est la vérité. Je crois ça aussi. Puis j'embarque. Je continue. Et parce que moi, quand j'ai accepté le Seigneur il y a 30 ans, ce que nous on appelle accepter le Seigneur, ce que je savais était tellement minime. Tellement minime que ce que je savais. Il m'en avait tellement peu dit. Pourtant, dans sa grâce, je suis encore là. Mais Paul, il dit, si vous n'êtes pas fidèle à l'Évangile, vous êtes infidèle à Dieu. Et j'ai travaillé en avec. Automatiquement, j'ai travaillé en avec. Deuxièmement, au verset 8 et 9, il dit, l'infidélité à l'Évangile conduit à l'anathème. Avez-vous d'autres traductions, vous autres? Ben, qu'il soit maudit. Maudit. Maudit veut dire une malédiction. C'est la malédiction de Dieu. L'Église catholique, elle disait, elle a traduit ça dans le catholicisme, exclusion prononcée par l'Église contre ses fidèles qui ne se soumettent pas à son autorité. Voyez-vous? Et c'est pas ça un anathème. Ça, c'est un anathème à l'Église. Mmh. Mais ici, il parle pas, c'est un anathème, c'est une malédiction de Dieu. C'est pas mal différent. Et il va être maudit par Dieu et non pas par l'Église. Mmh. Paul dit qu'il soit anathème, qu'il soit rejeté par Dieu, qu'il soit maudit par Dieu. Donc, l'infidélité à l'Évangile conduit à l'anathème. Et Paul il dit, attention vous autres, si vous rejetez l'Évangile, si vous n'êtes pas fidèle à l'Évangile que je vous ai annoncé, l'anathème est sur vous. L'anathème est sur vous. Moi, j'ai un petit message ici. L'anathème, ils disent, dans la communauté juive, celui qui était anathème n'avait plus le droit d'enseigner. Ce qui était anathème ne devait plus être touché par personne. Ceux que l'apôtre déclare anathème sont donc livrés à la colère de Dieu et à son jugement. Ça, ouais, c'est ça. C'est, le mot anathème, c'est le mot malédiction. C'est un rejet par Dieu. Ouais. C'est pour ça qu'on va voir dans Galates, il dit celui qui est attaché, la malédiction de Dieu est sur celui qui est attaché au bois, qui est à Jésus-Christ. Ouais. C'est le mot-là, c'est le même mot. C'est le mot anathème, c'est le mot malédiction de Dieu, le maudit de Dieu. Donc, c'est quelqu'un qui a Dieu disait qu'il maudissait. Caïn a été maudit par Dieu, a été repoussé loin de Dieu, rejeté loin de Dieu. C'est ce que ça veut dire, la malédiction de Dieu. C'est, donc, Paul, c'est très fort. Il dit peu importe, c'est qui vous annonce un autre évangile. Ouais. Que ce soit des anges, que ce soit moi, que ce soit des fautes de... Peu importe, n'importe qui annonce un autre évangile, l'anathème est sur lui. Paul dit, si moi je vous annonce un autre évangile, l'anathème est sur moi aussi. Il dit, ne changez pas l'évangile que vous avez reçu de moi. Et même si moi je viendrais puis vous dirais de changer, je vous dirais, changez la peau. Pourquoi ils disent un ange du ciel? C'est une... Juste une expression. Ouais, c'est un extraordinaire. Est-ce qu'il parle de les anges avec... Les démons? Oui. Non, je crois qu'il va... comme un extrême, un peu comme il disait dans Corinthiens, il dit, même si je parlerais le langage des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis rien. Tu sais, là, il pousse ça à l'extrême pour rien. Tu sais, là. Ici, il dit, même si un ange... Même si la personne dit, je suis un ange de... Ouais, si quelqu'un vient dire, je suis un ange, Dieu m'a envoyé pour vous parler, il dit, croyez-le pas. Parce que dans Colossiens, il y avait le culte aux anges. Donc, dans ce temps-là, il y avait beaucoup de choses avec les anges, comme on sait un petit peu aujourd'hui dans notre société. Là, beaucoup, ouais. Beaucoup d'emphase. Tout est un petit ange à quelque part. Il nous donne des chandelles. Le chandelle est avec un petit ange. Puis tout est des bibelots en ange. Puis tout est en ange, là, à quelque part. Et puis, en fait, tu vois, je suis allé au jour à la librairie qui avait une secousse, là, au petit hameau. Puis j'ai rentré, puis j'étais dans le département des livres religieux, angéologie. Il y avait des paquets de livres sur les anges, ce qu'on ne voyait pas il y a 10 ans, tu sais, 15 ans. Mais sur l'Internet, c'est mélangé avec les the fairies and the pixies and toute la mythologie de l'ancienne religion. Ouais. C'est tout mélangé avec ça. C'est le nouvel âge. C'est ça. Les anges sont là pour les aider, puis mon ange gardien, puis mon ange, puis mon ange. Et puis il y a des livres qui disent que c'est des anges qui ont parlé. Là. C'est d'autres, un autre évangile qui est amené. C'est fait de voir ça parce qu'en Galate, c'est le danger de l'ancien, les Juifs, mais aussi les autres dieux, de les Romains, les dieux de les Celtiques, le monde celtique, le monde grec. Il y a toute leur mythologie, leur dieu, leurs idoles, Mais ici, aujourd'hui, quand on fait les anges, the fairies and the pit, c'est exactement la même chose parce qu'on trace ça en arrière par la même, c'est les mêmes dieux, les mêmes idoles, les mêmes. C'est pas juste une petite fairy dans une livre d'enfant. C'est quelqu'un qui est un dieu. Les Romains dans les temps anciens. Mais ici, c'est pas de voir ça, c'est pas changé. Ce groupe-là, c'était les arguments que Paul va emmener plus tard dans l'Épître aux Galates. s'adresse aux Juifs. Parce qu'ils veulent rajouter, ce n'est pas un autre Dieu. C'est qu'ils veulent rajouter des parties de la loi romaine. Mm-hmm. La loi juive, je dis, excusez. Mm-hmm. La circoncision, les sacrifices, les offrandes. Ils veulent retourner un petit peu à la loi, comme l'Épître aux Hébreux, c'est comme ça. Donc, parce que ça qui s'adresse, c'est des Juifs qui sont venus, et les Juifs qui sont venus dans l'Église voulaient amener ces chrétiens-là à judaïser, à prendre une partie de la loi et la mélanger avec l'Évangile. Puis pourtant, Jésus avait dit non. Ne mélange pas le vieux vin avec le nouveau vin, la nouvelle zoute. Ne mets pas un drap neuf avec le vieux manteau, vice-versa. Parce que ça ne marche pas ensemble, ça. Il faut séparer ça. Les deux alliances sont séparées. Les autres, ils emmenaient dans le christianisme du judaïsme. Et puis les catholiques, les autres, ont emmené la même chose. Ils ont emmené de leur religion. Et nous autres, notre danger, c'est quoi? C'est d'emmener du catholicisme dans la foi chrétienne. Et puis, je vous garantis, on prend, nous les chrétiens ici, on s'en va dans un autre pays où ce que les gens qui se sont convertis, étaient, mettons, à l'arrière-plan musulman, vont dire, vous avez sorti ça, vous êtes de où, vous êtes chrétiens? Comment ça, vous pensez comme ça? Parce qu'on emmène, qu'on veut, qu'on ne veut pas, du catholicisme dans notre affaire. Parce qu'on est élevé comme ça, on pense de même. C'est dur pour nous autres de changer notre façon d'apprendre. Et plus on est âgé quand on se convertit, plus c'est difficile. Parce que on change moins vite en étant plus vieux. Je ne dis pas que c'est impossible de se convertir, mais le changement est plus lent, plus difficile. Donc, Paul, il dit, c'est peu importe combien de gens, qui va venir pour vous annoncer un autre évangile, ne le croyez pas, il va être anathème. Et vous savez, il y a, je dirais, 2 à 3 milliards de personnes sur la Terre qui annoncent l'évangile, qui disent qu'ils annoncent l'évangile. Moi, je me couche tard, puis des fois, je regarde des émissions « Évangélisation 2000 » de l'Église catholique. Mm-hmm. Ils appellent ça « Évangélisation 2000 mm-hmm. ». Évangélise. Mais non, c'est pas l'Évangile. Mm-hmm. La vraie Évangile. J'ai vu ça. Donc, voyez-vous, tous ces gens-là disent qu'ils évangélisent. Mais ils évangélisent avec quoi? Mm-hmm. C'est vraiment... Et tous les témoins de Jéhovah, ils vont dire qu'ils évangélisent. Oui. Ils annoncent l'Évangile. Donc, les mormons annoncent l'Évangile. Donc, tous ces gens-là disent qu'ils annoncent l'Évangile, mais ils annoncent un autre Évangile. Un autre. C'est qu'ils ont juste mélangé deux choses ensemble. Et nous autres, il faut être très, très sur nos gardes, ne pas mélanger nos traditions, nos habitudes, notre fonctionnement avec l'Évangile. C'est ce que l'erreur que les Américains ont faite quand ils ont mis l'Évangile dans les pays du tiers-monde. Ils ont mis leur cravate. Ils ont emmené les chemises blanches, ils ont emmené les souliers, ils ont emmené les enfants. Ils ont mis ça avec l'Évangile. Il faut que vous fassiez ça, il faut que vous fassiez comme ci, il faut que vous fassiez comme ça. Ils ont emmené leur culture. Comme, qu'est-ce qu'il s'appelle, Hudson Taylor, qui a été rejeté par sa mission parce qu'il s'est coupé les cheveux comme les Chinois, il s'est habillé comme eux autres, puis ils ont dit, tu ne peux pas être missionnaire avec nous autres. Et oui, ils ont emmené leur culture. Ils ont voulu américaniser les chrétiens qui se convertissaient dans ces pays-là. Comme ils ont voulu angliciser les Anglais, parce qu'ils venaient d'Angleterre, quand ils sont allés en Chine, ils voulaient angliciser, ils voulaient faire des English avec ça, puis amener leur culture, là. Lui, d'amener l'Évangile et laisser ces gens-là adapter l'Évangile à leur culture. Mm-hmm. Okay? Mm-hmm. C'est l'erreur qu'on fait souvent. Et nous, puis les Juifs, Jésus a dit aux Juifs, quoi? Vous avez rejeté ce que Dieu a dit pour garder vos traditions. Voyez-vous comment est-ce que c'est l'être humain qui est comme ça. C'est comme ça tout le temps. Donc, il faut faire toujours attention. C'est-tu l'Évangile qui dit ça ou c'est moi qui dis ça? C'est-tu baptiste ça ou c'est chrétien? C'est-tu baptiste ou c'est chrétien? C'est peut-être juste baptiste. Puis on l'enlève. On peut l'enlever puis on peut le garder. Tu peux le faire, je peux peut-être décider de ne pas le faire. Mais c'est juste dans notre façon de faire à nous. Mais ce n'est pas l'Évangile qui dit ça. Donc, il faut faire attention. Elle baisse nos gardes. Mais finalement, l'Évangile, si on est trop confusé avec toutes les églises, puis finalement, c'est ça l'Évangile. Mm. C'est la parole de Dieu, hein? C'est le Nouveau Testament. Mais, ça, c'est l'Évangile. Puis moi, je remarque depuis 20 ans, à peu près 20 ans, au Québec, là, je parle pour nous autres parce qu'on est là, mais au côté de la France, c'est la même chose. Il y a à cause du transfert des croyants dans les églises, le changement des chrétiens d'une église à l'autre, depuis à peu près 10-15 ans de ça. L'Évangile a changé. On n'a plus la même chose que le 10 ans, le 15 ans. Parce que nos églises sont formées de toutes sortes de monde qui viennent de toutes sortes d'arrière-plans. Moi, j'étais sauvé dans une église à Viterbeville, c'était une église baptiste, en joke, pure race, nous on disait ça de même, pure race. C'est que tout le monde qui avait été sauvé là, dans cette église-là. Donc, on avait tous la même évangile. On croyait tous à peu près la même chose. Parce qu'on avait tous été emmenés au Seigneur par des gens, les premiers missionnaires qui étaient arrivés, les Côtes-Noires, les Kiefs, nous, tout le monde qui a été sauvé là. Aujourd'hui, je vais à Viterbeville et je ne reconnais pas l'église que j'étais sauvé dedans. Parce que maintenant, il y a toutes sortes de monde là-dedans. Des gens qui viennent de chez les frères, des gens qui viennent chez les pentecôtistes, des gens qui viennent de chez les... Ça va tout ensemble. Mon ami, on fait attention comment on dit les choses, parce qu'on ne veut pas frustrer celui-là, on ne veut pas frustrer celui-là, on ne veut pas dire cela. Parce que... Et là, on a de plus en plus de misère. Et en même temps, l'Église est devenue le lieu où est-ce qu'on annonce l'Évangile, au lieu où est-ce que l'Église se rencontre pour étudier et apprendre la foi qu'ils ont. Ils se fortifient dans la foi. Les dimanches matins, on s'adresse aux inconvertis au lieu de s'adresser aux chrétiens. Faites l'évangélisation le dimanche matin. Parce que c'est comme ça, c'est venu comme ça. C'est pour ça on fait des appels à chaque fois qu'on prêche pour amener les gens en avant. Il n'y a pas de chrétiens, il n'y a peut-être même pas des convertis dans l'église. Des fois, il y a juste des chrétiens. Mais c'est devenu centré sur le non-chrétien qui est là, puis on voudrait que soit sauvé. Fait qu'on on diminue l'enseignement aux croyants au détriment de ceux qui sont là des nouveaux, qu'on voudrait qu'ils se convertissent. Mais ce n'est pas le but de l'Église. L'Église, c'est le rassemblement des croyants qui se fortifient, qui adorent leur Dieu. Okay? C'est le rassemblement des croyants à l'Église. C'est pas l'invite des inconvertis dans l'Église pour qu'ils se convertissent. C'est pas ça le but de l'Église. On peut faire des réunions de même, mais c'est pas ça l'Église. L'Église, c'est le rassemblement des croyants pour faire l'œuvre de Dieu. Donc, troisièmement, il dit l'infidélité à l'Évangile disqualifie pour le ministère. Au verset 10, c'est pas si je ne garde pas l'Évangile. Si je veux plaire aux hommes, je ne peux pas être serviteur de Dieu. Si je change l'Évangile pour plaire, pour être accepté par les gens, je ne pourrai jamais servir le Seigneur. Et Paul va le dire un peu plus loin dans Galates 6. Ils veulent vous faire circoncire afin de ne pas être persécutés parmi les leurs. Ils veulent vous judaïser pour que les Juifs ne les rejettent pas autant. Ils veulent plaire aux hommes, ils veulent être acceptés par les hommes. Et si vous voulez ça, il dit, vous ne pouvez pas être serviteur de Dieu. Il dit, on annonce l'Évangile tel qu'elle a été dite, tel qu'elle nous a été transmise. Juste après, la semaine prochaine, on va voir, il a dit, ce que je vous ai annoncé, ça ne vient pas des hommes, ça vient de Dieu. Donc, il dit, tel que Dieu nous l'a donné. C'est pour ça que c'est assez important que les premiers, les apôtres, avaient reçu l'enseignement de Jésus lui-même. Les apôtres pouvaient dire, on n'a pas reçu l'Évangile des hommes, nous. Jésus nous l'a donné lui-même. C'est pas Pierre, Jean, Jacques qui nous l'a donné. Donc, le fondement de l'Église, c'était tous des hommes qui avaient reçu l'Évangile de Jésus lui-même. Ils ont dit ce qu'ils avaient entendu de la part de Jésus. Et c'est pour ça que le Saint-Esprit est venu pour qu'ils puissent dire ce que Jésus avait dit aussi. Il ne s'est pas laissé tout seul. Il a dit, je vais vous envoyer quelqu'un là, pour qu'il vous aide à dire ce que je vous ai dit de dire aussi. Il les a guidés là-dedans à travers ça. Et les personnes qui n'est pas baptisées ne peuvent pas faire ça? Ne peuvent pas faire quoi? Mais tu parles de converti puis baptisé après. Les personnes qui n'est pas baptisées ne peuvent pas faire ça. Ça serait drôle de demander. Si moi, je conduis quelqu'un au Seigneur puis je veux le baptiser, si moi je ne l'ai pas baptisé, je ne suis pas baptisé moi-même. C'est pour ça que je dis souvent dans des places que c'est pas les pasteurs qui doivent baptiser. C'est tout le monde qui est appelé à baptiser. C'est pas les pasteurs qui sont appelés à baptiser. Si c'est tout le monde qui est appelé à évangéliser, c'est tout le monde qui est appelé à baptiser. Parce que, allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les, enseignez-les, c'est tout le monde qui doit faire ça. C'est pas les pasteurs qui sont appelés à faire ça. Même Paul, il dit, moi, je n'ai pas baptisé plusieurs. C'était d'autres qui baptisaient autour de lui, qui faisaient baptiser les autres. Donc, c'était pas juste les pasteurs, c'est comme ça, c'est le catholicisme, le prêtre qui baptise, le sacré, le saint. C'est celui qui est au part des autres. Et c'est pas vrai, ça. C'est de la tradition, ça. Je me souviens la première fois à la sœur que j'ai dit à quelqu'un, veux-tu baptiser celui qui te conduit au Seigneur? Que c'est quoi cette affaire-là? On a parlé de son conseil, puis ça a pris quelques réunions du conseil pour qu'ils viennent à dire, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et les premiers, inconvertis, se posaient la question, eux autres, ils disaient, comment ça, les baptêmes, c'est pas les pasteurs qui font ça, c'est pas les prêtres, parce que les catholicistes n'ont rien. Ça nous a pris quelques années à ajuster ça à la sorte, pour que les gens qui disent, puis là, ils voient une femme baptiser une autre femme ou un autre homme, puis qu'ils avaient conduit au Seigneur, hop, oh, c'était pas baptiste ben ben, ça, cette affaire-là. Vois-tu? Donc, ça a pris, c'est la tradition qui prend dessus des fois sans qu'on le veuille. Et Paul ici dit, si vous voulez plaire aux hommes, vous ne pourrez pas servir le Seigneur. Et si vous faites des changements dans l'Évangile pour plaire aux hommes, pour être accepté des hommes, vous êtes infidèle à Dieu, vous êtes anathème et vous ne pouvez pas servir Dieu. Donc, tous ces gens qui annoncent l'Évangile, qui n'est pas le vrai Évangile, qui est-ce qu'ils servent s'ils ne servent pas Dieu? Donc, ils servent une religion, ils servent des gens, ils servent eux autres mêmes. Ils ne servent pas Dieu parce que Dieu dit, tu ne peux pas me servir si tu n'annonces pas l'Évangile que je t'ai donné. Tu ne peux pas être mon serviteur. Donc, c'est très important pour nous d'annoncer l'Évangile, puis de prendre attention. Moi, l'Évangile que j'annonce, est-ce que j'annonce l'Évangile? Est-ce que j'annonce l'Évangile du Seigneur? Ou alors, si j'annonce un autre Évangile? C'est important pour moi de me poser la question à moi-même, personnellement, parce que je ne pourrais pas me justifier sur... Mais ce n'est pas ma faute, c'est lui qui m'a dit ça. Chacun a une responsabilité de dire, est-ce que j'annonce l'Évangile du Seigneur? Est-ce que j'annonce l'Évangile du Seigneur? Et c'est de tranquillement de remettre en question, où est-ce que j'ai pris ça? Où est-ce que ça vient, ça? Comment est-ce que le Seigneur, quand je lis la Bible, je dis, hey, me semble que je n'avais pas vu ça. Et réajuster notre Évangile qu'on annonce, si on s'aperçoit qu'il n'est pas correct, l'ajuster, la mettre en diapason avec le Seigneur, nous a dit de faire. Et donc, la méthodologie, elle peut jouer, mais on ne peut pas jouer avec les vérités, avec l'Évangile. Et c'est important que l'Église tout entière se monopolise, me dise, il faut garder l'Évangile. Et souvent, je dis, le plus important, c'est pas de laisser aux autres en arrière de nous un bâtiment, il faut laisser derrière nous l'Évangile, tel qu'on l'a reçu. Et c'est Paul dit à Timothée, ce que tu as reçu de moi, donne-le à des hommes qui peuvent le donner à d'autres hommes. Mm. Ce que tu as reçu de moi. Donc, donne aux autres ce que je t'ai donné. Donne-leur pas différemment. Pas plus, pas moins. Donne-leur ce que je t'ai donné. Donc, c'est vraiment important de bien comprendre que l'Évangile apostolique, c'est un Évangile unique. L'Évangile qui ne se transforme pas, qui ne se change pas, qui ne s'altère pas. Ça se peut que je ne comprenne pas tout l'Évangile. Mais je vais additionner à mon allant. Mais je ne dois pas la changer. Je ne dois pas la changer. Okay. Et il faut surveiller les uns les autres. Il faut vérifier ce qu'on entend. D'où est-ce que ça vient, ça? D'où est-ce que ça vient? Moi, mais je pense que Dieu m'a bâti, m'a créé comme ça. J'étais toujours été questionné, épouvantable. J'en ai fait faire des cheveux blancs à ma mère. C'est pour ça que je suis sorti de l'église catholique, finalement. J'ai sorti de l'église catholique à cause des questions que je faisais. Pourquoi ça, puis pourquoi ça, puis pourquoi vous ne faites pas ça, pourquoi vous faites ça, puis pourquoi vous ne faites pas ça, puis pourquoi ça, c'est quoi cette affaire-là, pourquoi vous faites... Maman, t'es-tu fatiguée, fais ce qu'on te dit. C'est comme elle voyait que tu n'étais pas obéissant. Mais c'est une rébellion. J'ai parlé au prêtre, la même chose. Crois à la Sainte Église catholique. T'es-tu plus intelligent que le pape? T'es-tu plus intelligent que les évêques? C'est ça qu'il me disait. Non, mais j'ai dit, je veux juste savoir. Je veux savoir. Je vais dire au prêtre, écoutez, c'est marqué là, Éphésiens, là. C'est quoi ça veut dire, là? C'est marqué là dans le livre, la Bible, la Sainte Bible. Mais non, il n'aurait jamais osé dire, je le sais. Non, mais il ne disait pas que ce n'était pas bon. Il disait juste, c'est bon, c'est marqué, c'est la Bible, François, mais tu n'es pas fait pour comprendre ça. C'est les prêtres, les évêques qui vont t'expliquer ça. Le pape va expliquer ça. Les autres sont spéciales. Nous, donc, mais chez nous, c'est la même chose. C'est le pasteur qui... Tu es devenu trop haut. Tu avais trop d'autorité à un moment donné. Et c'est le danger. De l'institutionnaliser. On devient institutionnalisé. Le pasteur le dit. Oui, et c'est pas mal de passer de dire ça, mais il faut vérifier à quelque part. C'est moi, je vous dis, si tu vérifies pas, t'es bien mieux de prier fort. Si tu vérifies pas trop, prie fort pour que Dieu dirige bien le pasteur, parce que si tu mets ta vie entre ses mains, en dessous. Ouais. Parce que si lui dit, tourne à gauche, tu tournes sans poser de questions, si c'est trompé, tu vas planter avec lui. Donc, c'est mieux de prier et de vérifier. Mais dans les Écritures, je crois qu'une grande partie de la confrontation doctrinale va se faire au niveau des pasteurs. Souvent, c'est là que ça se passe. C'est qu'on, je crois personnellement à la pluralité des anciens ou des pasteurs. Et dans l'Église, ceux qui ont les dons d'enseignement, c'est souvent ceux qui vont nous remettre en question. Parce qu'ils ont aussi la capacité d'étudier. En fait, Dieu les a donné aussi un don. C'est eux autres qui vont nous remettre en question. C'est comme Benoît Rancourt, c'était moi François, c'était Noël Nolette, Noël Morissette, et tous les autres, les futurs pasteurs qui étaient des chrétiens à ce moment-là, qui nous mettaient en question le pasteur tout le temps. On allait le voir pour dire on n'a pas vu ça dans la Bible, vous avez pris ça, là. Hey, nos professeurs ne disent pas ça. Puis là, on mettait toujours en question parce que c'était nous autres, les futurs pasteurs. Donc, on remettait en question. Puis il n'aimait pas ça, hein, il n'aimait pas ça. Non, mais c'est. Puis là, nous autres, c'est la même chose. C'est les futurs qui nous remettent en question. Mais les bonnes professeurs, ils aiment ça. Ben oui, parce que ça aiguise. Tu aimes ça quand on demande les questions. Parce que ça l'aiguise. Ça nous oblige à nous vérifier, à nous évaluer. Ah! Je vais aller vérifier ça. Je vais aller vérifier ça. Je ne sais pas, là, mais tu me poses une bonne question, on va aller voir ça. Quand les pasteurs ont la confiance en leur foi en Jésus, même si c'est. C'est pas la confiance à la personne, c'est la confiance à Dieu. Mmh. De donner la sagesse, de donner le. Parce qu'on sait que notre foi n'est pas pure à 100% parce qu'on est des êtres humains. Mmh. Donc on n'a pas peur de remettre en question ça. Mmh. Puis notre foi n'est pas remise. Notre autorité n'est pas remise en question à cause qu'on nous questionne notre foi. Si on pense que si on remet en question notre autorité, là, ça devient un débat d'autorité, pas plus que d'autre chose. Mais c'est la personne qui pose des questions, habituellement, c'est la personne qui a la capacité d'étudier et la cherche. Donc, si tu réponds, tu vas en faire un bon étudiant et un enseigné. Un enseigné, avec le temps. Donc, c'est ça qui nous aider à toujours remettre en question.